En dessous des feuilles immenses, enfant souffrance, ni ne rit, ne pense. Michael voudrait bien qu'on l'appelle, mais chez lui les bruits ont l'odeur des poubelles. Michael voudrait bien une échelle pour partir de son lit et fabriquer son nid. Les spaghettis, tous les soirs, tous les midis, c'est pâté ravioli. Son père tapé met des claques, sa mère crie, pleure la nuit. Une famille au RMI, des gens sans envie. Michael voudrait bien qu'on l'appelle, mais chez lui, les bruits ont l'odeur des poubelles. Michael voudrait bien une échelle pour partir de son lit et fabriquer son nid. Son pantalon est aussi sale que son caleçon, ses joues puent le tabac et le saucisson. Les autres ne le trouvent pas beau à la récré. Les filles lui jettent de l'eau pour le nettoyer. Michael voudrait bien qu'on l'appelle et ne rêve que de son Isabelle. Michael voudrait bien une échelle, grimper dans son lit et sortir de chez lui.